Âme perdue par Clarisse Sandre. Deux âmes perdues souffrent et d'amour se pâment depuis le désastre infâme du paradis perdu. Deux âmes perdues, d'amour éperdues à la dérive éternelle, en déroute perpétuelle, condamnées à en découdre dans le sang, le feu, le soufre. Des yeux ennemis se sont croisés, deux peaux au nid se sont frôlées. Deux âmes perdues de la paix bannie se sont reconnues et sauvées. Atomes crochus, cœur féru, feu aux poudres, coup de foudre. Âme sœur, âme cœur, cœur à cœur sans état d'âme, peur ou rancœur. La haine vaincue pose les armes, le chagrin cesse les larmes. Les cœurs, d'amour les vers déclament, de passion s'enflamme, le père et les cieux acclament. Deux âmes, délivrées du destin maudit, de la perdition guérie, l'une à l'autre, de toute éternité et à jamais destinée, se sont enfin retrouvées et fondues dans l'absolu infini, dans l'amour pour toujours réuni. Clarisse Sandre, le 29 janvier 2025.